بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها أما بعد يا إخوتي الكرام كما تعلمون تعيش الأمة الإسلامية فتنا كثيرة تعصف بها الأمة لا يسلم منها إلا من رحمه الله تبارك وتعالى فنحن في نحن نعيش في استضعاف وضعف وهوان وبعض المسلمين يظنون أن الدواء في رفع هذا الظلم وهذا الهوان وهذا الاستضعاف يكون في معرفة كيد الأعداء ويشغلون المسلمين في ذلك الأمر وهذا التصور وهذا المذهب مذهب باطل وتصور خاطئ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولئن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وبعض الآخر من المسلمين يظنون أن سبب الهوان والاستضعاف بسبب تفرق الأبدان أي المسلمون متفرقون بعضهم بعضا ولذلك يبذلون الجهد ويسعون في التجميع تجميع الأبدان بغض النظر عن تجميع العقيدة وهذا كذلك كما درسنا هذا في أيام سابقة تصور خاطئ لأن الله تبارك وتعالى قدم كلمة التوحيد على توحيد الكلمة يقول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نعم تعالوا إلى كلمة سواء ما هي ألا نعبد إلا الله كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة قبل توحيد الصفوف نجتمع حول الحق حول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والبعض الآخر يظنون أن ضعف المسلمين وهوان المسلمين يكون بسبب هؤلاء الحكام الظلمة فيسعون في إسقاطهم وإسكاتهم فهذا كذلك خطأ محض لأن المسلمين من أهل السنة والجماعة منذ زمن السوارف يعتبرون الحكام على صورة راعيتهم وعلى صورة شعبهم حتى يقال في المثال المعروف المشهور عمالكم أعمالكم عمالكم أي حكامكم أعمالكم سنفصل هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى بسرد أقوال العلماء ومنها كلام أو قول الإمام ابن القيم الجوزية في إعلام الواقعين يفصل هذا الأمر ويقول باختصار أن الحكام على صورة الشعب أو الرعية إذا صلح الشعب صلح الحاكم، إذا فسد الشعب فسد الحاكم. طيب. Donc je disais donc mes frères que nous vivons dans des périodes de troubles qui, comme vous le savez, submergent toute la communauté de l'islam. Et de ces troubles-là, n'en est préservé que ceux à qui Allah a fait miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Et pour lever la situation dans laquelle se trouvent les musulmans à notre époque, situation de faiblesse, situation d'humiliation, certains ont dit que la cause de ces problèmes, la cause de l'état dans lequel se trouvent les musulmans actuellement, réside dans le fait que les ennemis de l'islam, min al-kuffar wa al-munafiqin wa al-mutarabbisin, parmi les mécréants, les hypocrites et ceux qui observent. Alors, de tout cela, ils disent, il faut porter notre attention sur ces gens-là, savoir quel plan ils décident entre eux, qui sont leurs ennemis, comment les combattre. Bref, en résumé, ils occupent les musulmans dans ces choses-là et seulement dans ces choses-là, en fermant les yeux sur des choses qui leur sont beaucoup plus profitables, comme l'application de leur religion. Ceci est faux, bien sûr. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a donné la solution par rapport à ça. Il dit, tabaraka wa ta'ala, et si vous patientez et vous faites preuve de piété, alors leur stratagème ne vous fera aucun tort et ne vous portera aucun préjudice. La solution ne réside pas dans la connaissance de ceci. La solution réside dans la piété envers Allah et la patience. En s'efforçant à appliquer ceci, Allah nous donne, nous dit et nous rassure en nous disant, si vous patientez et si vous faites preuve de piété envers Allah, leur stratagème ne vous fera aucun mal et ne vous portera aucun préjudice. D'autres musulmans ont essayé de trouver des solutions par rapport à ceci et ont essayé de déterminer les causes du problème de l'avilissement des musulmans à notre époque. Ils ont dit, c'est à cause du fait que les musulmans sont divisés. Chacun va dans une voie qu'il considère être la voie juste. Alors qu'est-ce qu'ils décident de faire ces gens-là? Ils disent, nous allons rassembler les musulmans sous une seule bannière, en fermant les yeux sur la croyance de chacun, et sur la voie de chacun, et sur la conception religieuse de chacun. Ce point-là, nous l'avions déjà étudié, mes frères. C'est ce qu'on appelle mas'alatut tajmi'a. C'est le fait de rassembler les gens, rassembler les rangs des musulmans, sans considérer s'ils sont sur la vérité ou s'ils sont sur le faux, sans considérer si ce sont des gens qui sont sur la voie droite, qui suivent la voie du prophète, ou alors ce sont des gens d'innovation. Peu importe tout ceci, ceci est secondaire pour eux. Ils veulent rassembler les musulmans afin de former une masse compacte. Et ceci est faux. Cette façon de voir les choses est totalement fausse. Car Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dit, ô gens du livre, venez vers nous autour d'une parole de vérité. Et quelle est-elle cette parole de vérité? C'est que nous adorions Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, et que nous ne prenions pas des seigneurs les uns envers les autres en dehors d'Allah. Vous noterez bien que dans ce verset coranique, Allah nous ordonne de nous rassembler autour de la vérité. La parole d'unicité prévaut sur l'unification des rangs, en fermant les yeux et en faisant abstraction du tawhid. Ceci c'est pour répondre à des prêcheurs de notre époque, notamment à les frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin. D'autres musulmans à notre époque disent que la cause de la faiblesse du musulman réside dans ces gouverneurs à notre époque qui sont la cause de tout mal, à les entendre parler. Là, c'est à cause d'eux que les musulmans sont avilis, que les musulmans sont pris comme des sous-hommes, que les musulmans sont pieds et poings liés. Ils remettent la faute à qui? Aux gouverneurs des musulmans. Et rien qu'à eux. Et eux, ils sont innocents de la situation dans laquelle sont les musulmans à notre époque. Et ceci, bien sûr, va faire l'objet de notre cours aujourd'hui, dans les cours suivants. Et c'est une conception qui est aussi fausse. au regard des textes religieux du Coran et de la Sunna et des paroles des savants qui nous ont précédés et des paroles et des savants actuels aussi. Car comme je vous l'ai dit, les savants disent que les gouverneurs qui nous dirigent ne sont juste qu'à l'image de nos actes. Les gouverneurs qui nous dirigent ne sont juste qu'une punition qu'Allah nous a infligée à cause du manquement envers notre religion. Donc mes frères, la solution à ces problèmes, nous l'avions déjà à maintes et maintes reprises citée. La solution pour enlever cet avilissement qui pèse sur la communauté de l'islam, la solution elle réside dans quoi mes frères? Et vous connaissez la réponse. Elle réside en fait dans le retour vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ses fondements et dans ses ramifications, et selon la bonne compréhension. Comme nous cessons de le dire à maintes et maintes reprises. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, mes frères, nous allons expliquer, Inch'Allah, le deuxième fondement sur lequel repose la voie prophétique. La voie prophétique repose sur trois fondements principaux. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les trois plus importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ubudiyya. Al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala fil ibada wa tajridu mutaba'ati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ou an na'budallaha bima shara'a Allah. Donc, le culte exclusif avoué à Allah tabaraka wa ta'ala selon comment Allah lui le veut ou comment il l'a légiféré. Ce qui revient à dire à suivre exclusivement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadha huwa aslul usul. C'est le fondement des fondements. Voici le premier fondement qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. Le deuxième, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. L'uzum ou l'jama'ati. L'attachement au groupe. Wa sam'u ta'a li wulati l'umur fi ghayri ma'siyatillah. D'accord? L'attachement au groupe, nous avions déjà expliqué qu'est-ce que signifie de l'attachement au groupe. Quand on parle de groupe ici, n'ayez pas en tête la masse. C'est pas ça qui est recherché. Ce qu'on recherche, c'est le groupe qui était autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui suivent ce groupe-là, ce groupe originel, qui sont les sahaba en fait, font partie du groupe, même si ils sont un nombre minime. Même s'il était tout seul à suivre cette voie-là, il constitue à lui seul le groupe, Al-Jama'a. D'accord? Donc le groupe, il a une valeur qualitative et non quantitative, en premier lieu. De même, l'obéissance et l'écoute au gouverneur n'impliquent pas une désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on va le voir, Inch'Allah. هذا هو الأصل الثاني. والأصل الثالث الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة والتنفير منهم أو محاربتهم, comme on veut. C'est-à-dire la méfiance que l'on doit avoir à l'égard des innovations religieuses et des innovateurs. Ceci afin de préserver notre religion. Et la mise en garde contre les innovateurs et les innovations religieuses, ceci afin de préserver la religion des gens. Et comment on doit se comporter face à ceci. Ça fera l'objet d'un grand chapitre à la fin du livre, Inch'Allah. Vous avez compris, les frères, ces trois fondements principaux. Nous entrons, Inch'Allah, fi l'aspect thani, ألا وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف: أصحاب منهج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر, وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية, فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. Ce qui signifie, les partisans de la voie prophétique s'attachent au groupe et respectent les droits à observer vis-à-vis des détenteurs de l'ordre. Dont le plus important et le plus dangereux, entre parenthèses, s'il n'est pas respecté, c'est l'écoute et l'obéissance tant qu'ils ne sont pas ordonnés de commettre une désobéissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Car dès lors que le serviteur musulman est ordonné de commettre une désobéissance à Allah, il ne doit aucunement écouter l'obéissance, car l'obéissance n'est due que dans le convenable, c'est-à-dire dans le convenable par rapport à la législation d'Allah. C'est un principe de base, mes frères. Ce principe de base, c'est que le gouverneur, juste ou injuste, musulman, on lui doit écouter obéissance dès lors qu'il ne nous ordonne pas une désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On verra, inch'Allah, ceci est corroboré par les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ce verset coranique, nous l'avions déjà expliqué. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez l'affaire, renvoyez la chose ou l'objet de la dispute à Allah et aux messagers, autrement dit, au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien meilleur et de meilleure interprétation, ou alors ceci aura pour, au final, un meilleur aboutissement. Car le ta'wil, il a deux sens, comme on le verra, inshallah, tabaraka wa ta'ala. يقول المؤلف ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Rasoul Hafid Allah dit, il y a dans ce verset une preuve sur l'obligation de l'écoute et de l'obéissance dans ce qui est ordonné, tant que ceci ne contredit pas l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset-là en lui-même, il nous montre l'obligation de d'écouter et de d'obéir au gouverneur musulman. Là, mes frères, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. C'est pour cette raison que le verbe ati'u, obéissez, n'a pas été réitéré ou n'a pas été cité pour cette catégorie, pour la troisième catégorie, c'est-à-dire les détenteurs de l'ordre. Rappelez-vous ce que je vous avais déjà cité. Allah dit, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. » Obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé d'Allah « wa ulil amri minkum wa lam yakul wa ati'u ulil amri minkum. » Et il n'a pas dit « et obéissez aux détenteurs de l'ordre. » Donc ici, la non-réitération du verbe pour cette troisième catégorie, elle a toute son importance. Car elle nous prouve quoi? Que l'obéissance qui est due au gouverneur ou au détenteur de l'ordre, elle est conditionnée par l'obéissance d'Allah et de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que dit ici Cheikh Raslan, il dit, le verbe n'a pas été cité pour cette dernière catégorie, et ceci pour nous montrer que l'obéissance n'est respectée que dans l'obéissance d'Allah et l'obéissance de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ordonnent la désobéissance d'Allah et celle de l'envoyé d'Allah, nulle obéissance et nulle écoute. C'est pour cette raison qu'Allah le Très-Haut dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et il réitère le verbe. Puis il dit et les détenteurs de l'ordre wa ulil amri minkum, et il n'a pas dit et obéissez aux détenteurs de l'ordre. Donc c'est-à-dire obéissez aux détenteurs de l'ordre parmi vous dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-mu'allif فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici, mes frères, on a ce qu'on appelle le statut juridique, الحكم الشرعي. نعم. الحكم الشرعي, c'est-à-dire le statut juridique qui est l'obligation. Vous savez tous c'est quoi l'obligation, mes frères? l'obligation, si on s'en tient, on est récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala, en respectant bien sûr les conditions de cet acte-là. Par contre, si on y déroge de plein gré, avec préméditation, on mérite quoi? Le châtiment d'Allah. C'est ça l'obligation religieuse, mes frères. Non? عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف حديث كي تغبطي حديث أخرجه البخاري ومسلم D'après Ali, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une expédition militaire. Une saria, mes frères, c'est une expédition dans laquelle ne participe pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à l'al-Ghazwa. Al-Ghazwa, c'est une expédition militaire à la tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou à sa tête le prophète. Par contre, dans une saria, c'est une expédition militaire mandatée par le prophète dans laquelle il met à sa tête un homme, un compagnon, un de ses compagnons. Ici, c'est le cas, il a envoyé une expédition militaire et il a mis à sa tête un homme des Ansar. Il leur ordonna, le prophète a ordonné à cette expédition militaire de lui obéir. As-sam'u wa ta'a li wulat al-umur. L'écoute et l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement. Donc, le prophète a ordonné aux membres de cette expédition militaire d'obéir et d'écouter à celui qui est à leur tête, de cette expédition. Il leur ordonna de lui obéir. Il se fâcha. Cet homme-là, à la tête de cette expédition militaire, se fâcha contre eux et dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne vous a-t-il pas ordonné de m'obéir? Ils répondirent, bien sûr, oui. Il dit, j'ai pris la décision ferme de réunir des braises et de vous attisez un feu afin que vous y rentrez. Ils rassemblèrent des braises et attisèrent un feu. Et lorsqu'ils s'apprêtèrent à y rentrer, certains se regardèrent et dirent, nous avons suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fuir du feu de l'enfer. Comment pourrions-nous y rentrer maintenant? Faqad tabi'ana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam firaran min an-nar. Alors qu'ils étaient dans cette situation perplexe, le feu s'apaisa et la colère de cet homme-là s'apaisa aussi. Par la suite, cette histoire fut évoquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, s'ils étaient rentrés dans le feu, ils n'en seraient jamais sortis. Car l'obéissance est seulement due dans le convenable. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils étaient rentrés dans le feu, s'ils avaient obéi au chef de cette expédition militaire, ils n'en seraient jamais sortis. Dans l'explication de ce hadith-là, Ibn Hajar a cité deux, trois explications différentes. Mais il faut savoir ici que ce qui nous intéresse dans ce hadith-là, c'est que l'écoute au détenteur de l'ordre n'est dû que dans le convenable. Autrement dit, ceux qui se sont refusés de rentrer dans le feu de l'enfer, d'accord, l'ont fait à juste titre et ont été dans la vérité concernant cette problématique, concernant ce problème. Ils ne devaient jamais obéir dans ceci au chef de cette expédition militaire car elle implique une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ابن عمر دي تبارك رضي الله تبارك وتعالى d'après le prophète صلى الله عليه وسلم l'écoute et l'obéissance est un droit. نعم l'écoute et l'obéissance est un droit tant qu'il n'implique pas ou tant qu'il n'est pas ordonné une désobéissance d'Allah. Mais dès lors qu'une désobéissance d'Allah est ordonnée, nulle écoute et nulle obéissance. La sam'a wa la ta'a. Et lorsqu'on regarde ici, la formulation en arabe, la sam'a wa la ta'a, c'est ce qu'on appelle la nafia lil jins. C'est une négation dans l'absolu. C'est une négation dans l'absolu. La sam'a wa la ta'a. C'est comme si on disait la ilaha illallah. Là, c'est une forme arabe qui signifie que la négation ici, elle est dans l'absolu. Il n'y a aucune exception à ceci. Donc, nulle écoute et nulle obéissance dès lors qu'une désobéissance d'Allah est ordonnée par le gouverneur. Vous avez compris, les frères ? Hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim d'après Ibn Omar. يقول المؤلف فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الطاعة ولي الأمر فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. المؤلف دي le prophète صلى الله عليه وسلم a mis de l'importance ou a montré de l'importance concernant l'obéissance qui est due au gouverneur, non, au détenteur de l'ordre. Et il a fait que ceci soit un chemin par lequel la personne sera préservée des prédicateurs aux portes de l'enfer. Comme on va le voir dans un hadith qu'on va citer tout de suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il sera préservé des prédications de ces prédicateurs aux portes de l'enfer. Et ceci, cette voie-là, c'est quoi? C'est l'attachement au groupe des musulmans et l'attachement aussi à leur imam, c'est-à-dire au gouverneur des musulmans. Non, ne pas sortir de, du pacte d'allégeance qui nous lie à eux. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي رضي الله عنه قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشهر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شهر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشهر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منكم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شهر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. حديث très important, mes frères. D'après Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami, qui a rapporté de Abu Idris al-Khawlani, qui a rapporté qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum, qui a dit, les gens questionnaient l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le bien, alors que moi je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je dis, ô envoyé d'Allah. Donc ici c'est, ce dialogue il s'installe entre Hudhayfa ibn al-Yaman et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô envoyé d'Allah, nous étions dans le mal et dans une grande ignorance. C'est-à-dire avant l'islam. et Allah est venu à nous avec ce bien. Il y aura-t-il du bien après ce mal? Il dit oui. Je dis, il y aura-t-il après ce mal du bien? Il dit oui, et il y aura ce qu'on appelle du dakhan. Dakhan, mes frères, c'est quoi? Un dakhan, c'est une fumée qui vient cacher lorsqu'on prépare un repas, par exemple. Donc on a la fumée, l'odeur du repas que tu es en train de préparer, qui se dégage. Lorsque une fumée extérieure vient se mélanger à elle, elle vient justement cacher, porter confusion aux gens. C'est ce qu'on appelle dakhan. Ou bien elle vient porter la confusion dans l'odeur, ou bien dans la couleur, dans l'apparence. Alors ici, le prophète, il a dit, après ce mal, il y aura du bien, mais il y aura un dakhan. Et Hudayfa a dit, comment sera ce dakhan? Comment sera-t-il? Il dit, des gens, il y aura des gens qui se guident par une autre guidée que la mienne, vous accepterez de certaines choses et vous en réprouverez d'autres. Je dis, il y aura-t-il après ce bien du mal? Il dit oui, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Celui qui répondra à leur appel se verra jeté dedans, dans le feu de l'enfer. Je dis, ô envoyé d'Allah, décris-nous ces personnes, ces prédicateurs aux portes de l'enfer. Il dit, ils ont la même peau que nous et parlent notre langue. Je dis, que m'ordonnes-tu si je vois ceci ou si je vis ceci, ô envoyé d'Allah? Il dit, accroche-toi au groupe des musulmans et à leur imam. On dit imam ici, c'est-à-dire le détenteur de l'ordre, le gouverneur. Je dis, et s'il n'y a pas de groupe, et s'il n'y a pas d'imam? Il répondit, écarte-toi de tous ces groupes, même si pour ceux-ci, tu devais t'accrocher fermement à la base d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne et que tu sois dans cette situation. Regardez ce que dit Cheikh Raslan par rapport à ce hadith. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الإخوان المسلمون بل هذا فتنة إذ شيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى l'envoyé d'Allah appelle les musulmans. Lorsque les prédicateurs de l'égarement prolifèrent, il les appelle à l'attachement au groupe, et ceci est la voie de sauvetage contre les troubles de ces gens-là. Contre les troubles, contre les tentations, contre les égarements qu'occasionnent ces gens-là. La voie de sauvetage n'est point dans l'anathème porté aux détenteurs de l'ordre, le fait de rendre mécréants les gouverneurs, et la rébellion contre eux, ni porter le cœur des gens contre eux, comme le font les frères musulmans à notre époque, mais bien au contraire, ceci est une fitna. وقد حاول الإخوان المسلمون أن يفسدوا على السلفيين حقيقة يا أخوتي الكرام. وقد حاول الإخوان المسلمون أن يفسدوا على السلفيين طريقهم وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وآرائه وطريقته لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدوه. Il dit, les frères musulmans ont certes essayé de corrompre la voie que suivent les salafis. Il est certes apparu que certains parmi nos frères salafis sont devenus des ikhwani dans leur idéologie, dans la voie, dans l'opinion, dans les codes de pensée. Ils sont devenus ikhwani. Pourquoi? Car ils les ont suivis à plus ou moins grande échelle dans leur errance et dans leur égarement. Ils ont certes corrompu et induit en erreur les musulmans dans ceci. C'est quelque chose, mes frères, qui est palpable à notre époque. Et un peu plus loin dans le livre, la page 252, il y a quoi le mu'allif? لقد تولد من الجماعة كل الفرق التي ظهرت بعد حتى السلفيين الحركيين ومن لف لفهم الذين اتخذوا نهج الإخوان المسلمين سبيلا متروكا. Ça fait des années, mes frères, des années que Cheikh Raslan met en garde contre les Ikhwan Muslimin en Égypte. C'est pour ceci qu'il le déteste. Et pour l'occasion, il avait fait toute une série de cours de, que vous pouvez trouver sur son site, Inch'Allah, où il dissèque la voie des Ikhwan Muslimin ou la secte des Ikhwan Muslimin en faisant déjà une étude historique, puis comment elle a évolué dans le temps, qui sont ces prêcheurs, à quoi ils appellent, etc. Et comme a dit Cheikh Ahmed Al-Jami, Rahmallah Tabarak wa Ta'ala, Ikhwan Muslimin, c'est un mouvement politique, c'est pas un mouvement religieux. Si on regarde bien la chose, au final, c'est un mouvement politique, et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas que les musulmans reviennent vers leur religion, ce qu'ils cherchent, c'est le pouvoir. Ni plus ni moins. Non. Et ils utilisent la religion pour y arriver. هذه حقيقة إخوان المسلمين. يقول شيخ الإسلام لقد تولد من الجماعة كل الفرق التي ظهرت بعد حتى السلفيين الحركيين ومن لف لفهم الذين اتخذوا نهج الإخوان المسلمين سبيلا متروكا وكونوا الجماعات وساروا إلى ما ساروا إليه من التحزب والضلال. Il dit il découle du groupe, c'est-à-dire du groupe des croyants, des premiers croyants. Il s'est écarté du groupe originel des croyants, toutes les sectes qui sont apparues par la suite. Car mes frères, comme on l'avait déjà expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, la bid'a n'existait pas. Ou al-mubtadi'a n'existait pas. Il y avait les musulmans, les hypocrites ou al-kuffar. À Médine. Et puis à Mecca, il y avait Al-Mushrikin ou Al-Muslimin. Al-Mushrikun ou Al-Muslimun. Al-Mubtadi'a, aucun ou Ghaira Mawjoudin. Ils étaient absents. Ils n'existaient pas, mes frères. Donc ces innovations religieuses, elles ne sont venues qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous se réclament du groupe originel. Tout découle de l'islam originel. Et tous ont voulu légitimer leur voie déviante par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par la voix des sahaba. C'est ce que dit ici Cheikh Raslan. Il dit, il découle du groupe originel des croyants toutes les sectes qui apparurent par la suite. Même à notre époque, ce qu'on appelle al-salafiyin al-harakiyin. Certaines personnes se revendiquent du manhaj salafi à notre époque, mais ils n'en font point partie. Mais les savants les appellent al-salafiyun al-harakiyun. Ça vient, c'est une terminologie qui veut dire les salafistes ou ceux qui appellent à porter des armes ou ceux qui appellent à se rebeller contre les gouverneurs. Ce qu'on appelle al-salafiyun al-harakiyun. Comme la jama'a de Osama bin Laden, qu'Allah lui pardonne. Al-Qaïda. Hum yantassibun ila al-salafiyya. Ils se réclament de la salafiyya. Kadiban wazura. Donc les savants, ils les appellent al-salafiyyat al-harakiyya. C'est-à-dire les salafistes qui commettent des troubles et qui occasionnent beaucoup de problèmes dans la Oumma. Ils appellent à la rébellion, ils appellent à porter les armes contre les musulmans, etc. etc. Jalassad dit même al-salafiyoun, al-harakiyoun et ceux qui les imitent parmi ceux qui prennent la voie des frères musulmans. Comme voie à suivre, formant des groupuscules et occasionnant au final le partisanisme et l'égarement. وعن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شهر قال نعم قلت وهل وراء ذلك الشهر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شهر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وَإِذْ ضَرَبَ ذَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِيعَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Sallam, qui a dit, Hudayfah ibn al-Yaman a dit, je dis, ô envoyé d'Allah, nous étions dans le mal. C'est une autre version du hadith que nous avions cité juste avant. Il dit, nous étions dans le mal et Allah nous a ramené le bien et nous sommes actuellement dedans. Il y aura-t-il derrière ce bien du mal? Il répondit, oui. Je dis, il y aura-t-il derrière ce mal du bien? Il répondit, oui. Je dis, il y aura-t-il derrière ce mal du bien, derrière ce bien du mal? Il répondit, oui. Je dis, comment sera-t-il? Il dit, il y aura après moi des imams qui ne se guideront pas par ma guidée et qui ne suivront pas ma sunna. Il y aura parmi eux des hommes ayant des cœurs de démons dans des corps d'êtres humains. Je dis, comment dois-je agir, ô envoyé d'Allah? Il dit, écoute et obéis au chef des croyants. Même s'il venait à te frapper le dos et à te spolier tes biens, écoute et obéis. Naam, les frères, l'obéissance au gouverneur, fût-il injuste envers vous? Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a réitéré deux fois l'ordre concernant l'écoute et l'obéissance au gouverneur, pour montrer l'importance de ceci, mes frères. Car, comme le dit le savant, la tastaqimu ahwalu nasi illa bi ta'ati wali al-amri fil ma'ruf. L'organisation de la vie des gens ne peut se parfaire et ne peut s'organiser correctement si ce n'est dans l'obéissance du gouverneur, dans le convenable bien sûr. Naam. Et au contraire, la désobéissance au gouverneur et la rébellion contre lui n'occasionnent que quoi? Que troubles, meurtres, sang qui est coulé, ce qu'on appelle « at-tashrid ». Tashrid, c'est-à-dire que les personnes sont chassées de chez elles. Ça n'occasionne que du désordre dans la communauté. Et nous avions vu ce point-là, pour ceux qui étaient là dimanche, là, que « ni'matul amni, ni'matul azimatul jidda ». Ni'matul amni, ce qu'on appelle le bienfait de l'âme. L'âme, nous, c'est la stabilité. L'âme, c'est quand la stabilité d'un pays est en vigueur. L'âme est respectée. Cette stabilité-là, lorsqu'elle est respectée, lorsqu'elle est en vigueur, elle permet que la da'wa, que le message et que la prédication à l'islam avancent. Elle permet que la science se propage. Elle permet que les personnes puissent se rapprocher de leur Seigneur par les actes d'adoration. Car la personne est en sécurité. Elle peut tout naturellement se consacrer à ses actes d'adoration ou à la science religieuse. Mais dès lors que cette stabilité ou la sécurité dans le pays dans lequel tu vis n'est pas respectée, alors tout naturellement, tu ne pourras pas adorer ton Seigneur correctement. Et tu seras toujours en alerte et toujours préoccupé à savoir comment sauver ta peau, ou comment sauver ta famille, ou comment subvenir aux besoins de ta famille, etc. etc. Non, mes frères. Donc c'est pour ceci que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, obéis et écoute au gouverneur, même s'il venait à te frapper le dos et à te prendre tes biens. Hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith authentique. وتابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغري يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز فقال فقلت من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت لا فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقعدت وحدث القوم فقال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشهر فأنكر ذلك القوم عليه فقال لهم إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك جاء الإسلام حين جاء فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية وكنت قد أعطيت من القرآن فهما كان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت أسأله عن الشهر فقلت يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شهر كما كان قبله شهر فقال نعم قال قلت فما العصمة يا رسول الله قال السيف قال قلت وهل بعد هذا السيف بقية قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فإن كان لله يومئذ في الأرض خريفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه وإلا فمت وأنت عض على جذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة أخرجه أحمد وأبو داود والتياريسي والنسائي وعبد الرزاق وهو حديث حسن وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الصحيحة خالد بن خالد اليشكري suivi أبا سلام et dit je suis sorti à l'époque où fut conquise la ville de Tastar jusqu'à ce que j'arriva à El-Koufa et je suis rentré dans la mosquée lorsque je me trouva devant un cercle dans lequel se trouvait un homme Sad'un ça veut dire un homme svelte lorsque je me trouva devant un cercle dans lequel se trouvait un homme svelte avec une belle bouche duquel on voyait en lui qu'il venait du Hijaz il avait les caractéristiques des gens du Hijaz je dis alors que El-Koufa c'est en Irak. Non. Je dis, qui est-il ? Les gens dirent, ne le connais-tu pas ? Je dis non. Ils dirent, c'est Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je me suis assis. Quant à lui, il se mit à relater aux gens les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, les gens questionnaient l'envoyé d'Allah sur le bien, quant à moi, je le questionnais sur le mal. Les gens réprouvèrent ceci de lui. Il leur dit, je vais vous informer de ce que sur quoi vous réprouvez. L'islam est venu avec une chose qui était non comparable avec ce qu'il y avait avant lui. C'est-à-dire l'islam est venu avec le bien, avec la vérité. Chose qui n'existait pas avant l'avènement de l'islam. Il m'a certes été donné la compréhension du Coran. Hein? Et c'est pour ceci que Hudayfa ibn al-Yaman posait des questions sur le mal. Alors que les gens posaient des questions sur le bien. Des gens venaient le voir pour le questionner sur le bien, quant à moi, je le questionnais sur le mal. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que ce bien sera suivi par le mal comme il fut précédé par lui ? Il répondit oui. Je dis, comment s'en préserver, ô envoyé d'Allah ? Il dit l'épée. Ici, en annotation, Cheikh Rastin dit que Qatada voyait que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épée, renvoyait en fait à ce qui s'était passé durant le califat de Abi Bakr, lorsqu'il a combattu ceux qui ont refusé de payer zakat. Hein? Donc il dit que Qatada voyait que cette période s'appliquait sur les apostasies qui eurent lieu à l'époque de Abi Bakr. La préservation de ce bien n'a été que par l'épée qu'a dressé Abu Bakr face à ces gens-là. Là. Je dis, il y aura-t-il après l'épée quelque chose, c'est-à-dire, il y aura-t-il un reste de l'islam après ceci, après cet événement ? Il dit oui, il y aura une gouvernance corrompue et un traité de paix basé sur la haine et la rancune. Et quand ici on dit corrompu, entre l'innovation et la corruption, comme on dit les savants. Là. Entre l'innovation religieuse et la corruption. Je dis, puis ensuite, le prophète dit, puis surviendront des prêcheurs à l'égarement. S'il y a sur terre à ce moment-là un calife qui te fouette le dos et te prend tes biens, reste avec lui, c'est-à-dire sous son allégeance. si l'on meurt en étant fermement accroché à la racine d'un arbre. C'est-à-dire, ne participe pas à ces troubles. Écarte-toi de tous ces troubles. Je dis, et ensuite, puis sortira le Dajjal à la suite de ceci, avec lui une rivière et du feu. Celui qui tombera dans le feu se verra attribuer sa récompense et effacer ses péchés. Quant à celui qui tombera dans la rivière se verra attribuer des péchés et se verra annuler sa récompense. Annuler sa récompense. Là. Ceci signifie que l'obéissance au Dajjal à ce moment-là constitue un égarement et une cause que les gens rentreront en enfer. Alors que la désobéissance au Dajjal constitue en fait une voie de sauvetage. C'est en ceci que le prophète a dit, celui qui rentrera dans le feu que présentera Dajjal, pour lui ce sera une source de bien. Il verra ses bonnes actions confirmées et ses péchés effacés et annulés. Et vice versa. Et je dis, et ensuite, après ceci, et le prophète dira, et ensuite naîtra le poulain. Al-Muhru, c'est le poulain. Et il ne sera monté sans que l'heure ne survienne. Ceci signifie en fait que, du moment de sa naissance jusqu'à la fin de son sevrage, cette période-là sera équivalente à la période qu'il y aura entre la venue du Dajjal et l'heure du jugement. Pour vous dire que l'heure du jugement, elle est très très proche juste après cet événement. Donc la venue du Dajjal. Vous avez compris, frère? Pourquoi ici, Cheikh Hassan a ramené ce hadith? Justement pour nous informer qu'il y aura des périodes de troubles. Il y aura des périodes de troubles. Des prédicateurs aux portes de l'enfer qui appelleront les gens, entre autres, à la rébellion contre les gouverneurs. Et le prophète nous a montré la voie de sauvetage. Quelle est-elle? Il a dit, s'il y a un khalifa sur terre, un détenteur de l'ordre sur terre, sur lequel tu peux t'accrocher et suivre, alors accroche-toi-y et suis-le, et suis et mets-toi sous son allégeance, même s'il venait à te frapper le dos et à te spolier ou te voler tes biens. Non, car la voie de sauvetage réside dans ceci. Et si tu ne peux le faire, écarte-toi des troubles, même si tu devais t'accrocher à la racine d'un arbre et que tu meurs dans cette situation. Donc c'est un hadith qui a authentifié Cheikh Al-Albani et rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Rahimahumullah tabaraka wa ta'ala jama'in. Wa an Awf ibn Malik radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Awf ibn Malik, a dit, les meilleurs parmi vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment. Et ils prient sur vous et vous priez sur eux. Yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, ça veut dire ils font des doa pour vous et vous faites des doa pour eux. Ou alors, comme a dit Tayyibi, il a dit, ou alors, lorsque vous mourrez, ils prient sur vous, ou alors quand eux ils meurent, vous faites la prière sur eux. Ça signifie les deux sens. Il n'y a pas de contradiction entre les deux sens. Et les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous, ce sont ceux que vous maudissez et ceux qui vous maudissent. Alors, on a dit, ô envoyé d'Allah, ne doit-on pas les destituer par l'épée? Afala nuna bizuhum bisayf. Non, ne doit-on pas les déroger? Ou comme on dit à notre époque, ne doit-on pas les faire tomber de leur coursier, de leur trône? Hein, par l'épée? Et le prophète a dit quoi? Pourtant, ce sont, comme a dit le prophète, shiraru a'immatikum, les pires de vos gouverneurs. L'âme, les pires de gouverneurs. Le prophète a dit quoi? A appelé à la rébellion? Non, il a dit non. Tant qu'ils font la prière, ma aqamu fikum as-salah. Ici, ma aqamu fikum as-salah, comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymeen, tant qu'ils font la prière. Alors, dans ce cas-là, vous ne devez pas les destituer avec l'épée. Si vous voyez de vos gouverneurs une chose détestable, détestez son acte et ne sortez pas de son obéissance ou de son allégeance. Certes, les frères, nos gouverneurs actuellement, ils ont des défauts, à plus ou moins grande échelle. Ils ne sont pas à l'image de Abu Bakr ou Omar. Tout le monde en est conscient. Et en premier lieu, les savants de la Sunna. Voilà que nous devons détester lorsqu'ils font du haram. Nous devons détester leur acte. Ceci par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam muslim d'après une version d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, qui a dit, j'ai entendu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu biyadi, fa'in lam yastati'a, fa'bilisanihi, fa'in lam yastati'a, fa'biqalbihi, wa zalika ada'afu l'iman. Si l'un d'entre vous, le prophète a dit, si l'un d'entre vous voit une chose répréhensible ou blâmable, qu'il la change de sa main, ceci bien sûr s'il en a la capacité. Ceci en général est réservé aux détenteurs de l'ordre, hein, ou ceux qui ont une gouvernance. Si vous ne le pouvez, changez-le par la langue. Ceci est le travail des savants, des prédicateurs, etc. Si vous ne le pouvez le faire, réprouvez-le par le cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Donc, c'est en ceci que le prophète a dit, lorsque vous voyez de vos gouverneurs quelque chose que vous détestez, matakrahunahu, fakrahu amalahum, wala tanziru yadan min ta'a. Réprouvez son acte, mais ne sortez pas de son obéissance. Pas comme font certains à notre époque, qui voient de nos gouverneurs toutes sortes de choses et qui disent, ah, oula, il ne mérite pas d'être le gouverneur. On sort de son allégeance. Et quand ils sortent de l'allégeance du gouverneur, ça légitime par la suite la rébellion contre lui. Car s'ils étaient sous le pacte d'allégeance du gouverneur, au vu des textes religieux, ils ne peuvent pas sortir contre le gouverneur. Ils feintent, ils trouvent une ruse. Et la ruse, c'est quoi? C'est que pour qu'on puisse arriver à nos fins, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'allégeance du gouverneur en disant par exemple qu'il n'est pas musulman. C'est un kafir. Ou alors en disant qu'il n'applique pas les lois d'Allah, c'est un zalim. Donc on sort de son allégeance et par ceci, on peut légitimer quoi? La rébellion contre lui. Donc le prophète a dit, tant qu'ils font la prière, tant qu'ils montrent l'islam, ne sortez pas sur eux. Ne vous rebellez pas contre eux, mais restez sous leur obéissance. Là, mes frères, hadith rapporté par l'imam muslim. وفي رواية خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Dans une autre version du hadith, le prophète a dit exactement la même chose. Les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment. Vous priez sur eux, ils prient sur vous. Vous faites des doa pour eux, ils font des doa pour vous. Et les plus détestables, ce sont ceux que vous détestez. Et ceux qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. À peu près équivalent, où le prophète a dit à cette wassalam, non, tant qu'ils font la prière, il l'a répété une deuxième fois dans cette version, non, tant qu'ils font la prière, ne sortez pas, ne vous rebellez pas avec l'épée. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si une personne est sous les ordres du gouverneur et qu'il voit en lui qu'il commet des actes relevant de la désobéissance à Allah, qu'il réprouve ceci par sa langue et son cœur et qu'il ne sort pas de son obéissance. Vous avez compris les frères? Rapporté aussi par l'imam muslim. فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية وجعل ذلك سببا لدخول الجنة كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a montré l'importance de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur n'impliquant pas une désobéissance d'Allah. Et il en a fait une cause, le prophète, par laquelle les gens qui s'y conforment rentreront au paradis. Hadith tariqun yuwassiluka ila al-jannah. Comme ceci est mentionné dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. » Les compagnons dirent « Quel est celui qui s'y refuse, ya Rasulallah ?» Comment une personne peut se refuser de rentrer au paradis? C'est pas concevable. Le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui m'aura obéi rentrera au paradis, celui qui m'aura désobéi, cela s'y aura refusé. » Voilà qu'il écoutait bien mes frères. On finit par ce hadith, après on va aller prier, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوا الحديث que j'ai cité il est rapporté par البخاري ومسلم d'après la version de أبي هريرة. D'après أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني متفق عليه. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم dans la version de Abi Huraira, celui qui m'obéit a certes obéi à Allah et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah et celui qui obéit à mon gouverneur m'a certes obéi et celui qui désobéit à mon gouverneur m'a certes désobéi. Là, les frères. Donc, lorsqu'on fait la corrélation entre les deux hadiths de Abi Huraira, on en déduit quoi? Que l'obéissance au gouverneur dans le convenable revient en fait à une obéissance à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance à l'envoyé d'Allah est une voie par laquelle les gens rentreront au paradis. De même que la désobéissance au gouverneur est une désobéissance à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Désobéissance au gouvernement, lorsqu'il leur donne le convenable. Et celui qui désobéit à l'envoyé d'Allah est celui qui aura refusé de rentrer au paradis. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. يقول المؤلف فقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته ومعصيته ومعصية الأمير ومعصيته إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Il dit, cher Rastan, hafidallah wa tabarak wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié son obéissance à celle du gouverneur et sa désobéissance à celle du gouverneur. Sauf si ce dernier ordonne une désobéissance, dans ce cas, nulle écoute et obéissance à lui. Règle, principe de base, mes frères. Règle en or à observer. Walakin, la yunabadu ahlu sultan, li'an fi hada min al-mafsadati ma fihi mafsadatun shar'iyatun. بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وسلم ومفسدة حسية مادية واقعة. Ce qui signifie, malgré ceci, les détenteurs du pouvoir ne doivent pas être destitués ou combattus par l'épée, car il y a dans ceci des méfaits d'ordre religieux. Comment? Quel est le méfait d'ordre religieux dans le fait de se rebeller contre le gouverneur? C'est de contrevenir ou de contredire à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a déjà un méfait religieux. C'est une désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, en contrevenant à la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, et des méfaits d'ordre physique et matériel. Comme nous le voyons tous de nos jours, actuellement, le fait de se rebeller contre le gouverneur occasionne, bien sûr, meurtre, viol, vol, braquage, enlèvement d'enfants. Alors mes frères, ça, si vous voyez les dégâts que ceci occasionne, et n'allez pas très loin, regardez actuellement les informations, les actualités, vous verrez bien. Vous n'aurez qu'une petite partie de ce qui se passe vraiment. Mais ceci déjà suffit pour attrister nos cœurs. Tout ceci résulte dans le fait d'avoir contredit l'ordre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, parce que Cheikh Islam ici il va nous rappeler une règle très importante. يقول في منهاج السنة وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعاث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا وكالذي خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. Et peu de gens se rebellant contre les gouverneurs, si ce n'est le fait que le mal engendré est beaucoup plus grand que ce qu'il a engendré comme bien. Le simple fait qu'il s'est rebellé a été beaucoup plus préjudiciable que bénéfique. Yaqulu kadhalik, comme ceux qui se rebellèrent contre Yazid à Médine, ou bien la rébellion de Ibn al-Ash'ath contre Abdel Malik à Bagdad, Abdel Malik ibn Marwan à Bagdad, ou comme Ibn al-Muhallab qui se rebella contre son fils à Khurasan, ou comme Abu Muslim, Sahib al-Da'wa, qui sortit sur eux aussi, ou bien ceux qui se rebellèrent contre Al-Mansour à Médine, Al-Basra et d'autres. Donc au final, c'est ce qu'il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit quoi? Comme tous ceux qui se rebellèrent là contre leur gouverneur, comme ceux qui se rebellèrent contre Yazid à Médine, ou la rébellion de Ibn al-Ash'ath contre Abdelmalik à Bagdad, ou Ibn al-Muhallab qui se rebella à Al-Khurasan, vous relatez ces histoires, vous regardez ces histoires, vous verrez qu'au final, non seulement ils n'ont pas abouti à leur fin, mais en plus de ça, ils ont occasionné beaucoup de préjudice dans la communauté. Et c'est exactement ce qui se passe à notre époque, et c'est exactement ce qui s'est passé à travers les siècles d'histoire de l'islam. Tous ceux qui se sont rebellés contre les gouverneurs, fussent-ils injustes, ça n'a mené qu'à là, qu'au désordre religieux, moral, social et politique. Là. Il dit aussi, Cheikh l'Islam, fait Minhaj al-Sunnah, ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما هذه قاعدة تحفظ. Il dit, Cheikh l'Islam, dans Minhaj al-Sunnah, pour tout ceci, toutes ces rébellions qui ont mené au final qu'au préjudice religieux, moral, social, politique, économique aussi, pour tout ceci, il est connu de la voix des gens de la Sunnah qu'ils n'approuvent pas la rébellion contre le gouverneur et le combat avec eux et le combat contre eux avec l'épée. Même si ils font preuve d'injustice, même si ce sont des grands injustes, là, comme ceci est prouvé par les nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le désordre et la corruption en les combattant est plus importante que le mal et la corruption qui découlent de leur injustice sans les combattre. Je répète, car le désordre et la corruption en les combattant est plus important que le mal et la corruption qui découlent de leur injustice sans les combattre. Le fait qu'ils soient en place, qu'ils jugent avec des lois injustes, c'est un mal en soi-même, sahih. Le fait de se rebeller contre eux occasionne un mal qui est plus grand que celui-ci. D'où la règle de Usul, c'est Usul al-Din, la règle qui dit, et c'est celle que cite ici Charles Ibn Taymiyyah, on repousse le plus grave des deux maux afin de s'en tenir au moins pire. Donc quand il y a deux mafsada qui se présentent à nous, deux chose mauvaise qui se présente à nous, il est religieusement et conceptuellement ou logiquement, on prend la moins pire des deux. Religieusement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mot hadith, nous enjoint à ceci, en prenant le moins pire des deux, mais aussi par la raison. Si deux malades se présentent à nous, on va prendre lequel? Celui qui est le plus préjudiciable ou le moins préjudiciable? Le moins préjudiciable. L'imam Ibn al-Qayyim, je vais finir par la parole de cet imam, Yaqulu, je vais vous ramener, pour finir le cours, deux paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui sont très importantes, Inch'Allah, et qui viendront clôturer le cours d'aujourd'hui. يقولوا وقد نبأ الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل وذكر ما يترتب على مخالفته فقال في إعلام الموقعين الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر في الإمام ابن القيم a alerté sur la dangerosité de la non-conformité à ce principe. Quel principe? C'est-à-dire le fait d'obéir, l'obéissance au gouverneur. Et a évoqué les conséquences qui découlent de cette défection à ce principe. Dans son livre, I'lam al-Muwaqqi'in, il dit la réprobation sur les rois et les gouverneurs par la rébellion est une source de tout mal et de trouble jusqu'à la fin des temps. La rébellion contre le gouverneur est avant tout une rébellion par la langue, avant qu'elle ne devienne une rébellion par l'épée, par la main. Avant tout, c'est une rébellion par la langue. C'est logique. La langue, elle vient préparer le terrain, elle vient ameuter les troupes, comme Abdurrahman ibn al-Ashraf l'a fait, lorsqu'il faisait des grands discours afin d'encenser les gens contre le gouverneur. C'est exactement ça. C'est une forme de rébellion, la rébellion par la langue. Donc faites attention à ceci, les frères. Lorsque on critique un gouverneur ouvertement devant les gens, c'est une sorte de rébellion contre lui. Lorsqu'on fait des manifestations, lorsque on descend les gouverneurs sur les chaînes de télé, toutes ces choses-là, ce sont des principes qui sont non conformes à la législation de l'islam et qui, malheureusement, sont à profusion à notre époque. Les gens ne respectent même pas ces principes de base. Ils parlent avec leur passion. وقد استأذن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الشرار الأئمة قيل يا رسول الله أفلننابذهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة. Donc ici Ibn al-Qayyim rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont demandé l'autorisation à l'envoyé d'Allah pour combattre les mauvais gouverneurs. Lorsqu'ils ont dit Afala nuna bizuhum bisseif, ne doit-on pas les déloger ou les destituer avec l'épée? Et le prophète qu'a-t-il répondu? Non, tant qu'ils font la prière. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man ra'a min amirihi shay'a yakrahuhu falyasbir wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari ou Muslim. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit chez son gouverneur une chose qu'il réprouve, se doit de patienter. Et il ne doit pas sortir de son obéissance. Yaqul al-Mu'allif, wa man ta'ammala ma jara ala al-Islam fi al-fitan al-kibari wa al-sighar, ra'aha min ada'ati hada al-asl, wa adami al-sabri ala munkar, fataraba izalata, fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu. Il dit, celui qui médite sur ce qui s'est passé auparavant dans la communauté de l'islam, comme trouble, grand ou petit, constatera que tout ceci est dû au non-respect de ce fondement et la non-patience sur le mal des gouverneurs. Il rechercha son anéantissement, sa destitution, ce qui engendra de ses actes ce qui est plus grave que s'il s'était abstenu de le faire. وذكر الإمام ابن القيم الحكمة فيما يقع من جور وظلم وهي حكمة جليلة غارية عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا كما عمي عنها إخوانهم من قبلهم ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. الشيخ رسلان دي L'imam Ibn al-Qayyim a évoqué la sagesse dans l'oppression et l'injustice des gouverneurs. Pourquoi sont-ils injustes comme ça? Et pourquoi sont-ils autant oppresseurs? Qui est en fait une illustre et riche sagesse divine, sur laquelle sont aveugles les gens sectaires, comme les Khawarij à notre époque, et comme furent aveugles leurs frères avant eux. S'ils avaient médité, ils auraient su quelle est la voie de la droiture, la voie de la guidée, et les repères de la réforme basée sur la voie prophétique. Alors, regardez bien cette sagesse, mes frères. Ibn Qayyim al-Jawziya nous dit quelle est la raison pour laquelle Allah nous a suscité des gouverneurs de cet acabit, cette trempe, des gouverneurs injustes, qui ne jugent pas avec les lois d'Allah, pour la plupart d'entre eux. Pourquoi ceci? Quelle est la raison? Quelle est la sagesse divine derrière? Ibn al-Qayyim yaqul fi miftar ad-dar as-sa'ada. Écoutez bien cette parole car elle est très importante. Pour nous, ça doit constituer une ligne de conduite. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في سورة ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في سور أعمالهم. Il dit في دوسوليف مفتار دار السعادة. Médite sur la sagesse du Très-Haut dans le fait qu'il a placé à la tête des gens, des rois et des gouverneurs à l'image de leurs actes, à l'image de leurs actes, comme si leurs actes se reflétaient à travers leurs gouverneurs et leurs rois. S'ils sont sur la droiture, le peuple, les gens, leurs rois seront ainsi, et s'ils sont justes et intègres, leurs rois seront justes et intègres envers eux. Et s'ils oppriment et transgressent, leurs rois et gouverneurs feront de tels. S'il apparaît en eux la ruse et la trahison, leurs gouverneurs seront comme ceci. S'ils ne respectent pas les lois d'Allah et font preuve d'avarice, leurs rois et leurs gouverneurs ne respecteront pas les droits qu'ils ont sur eux et feront preuve d'avarice. Et s'ils prennent de ceux qu'ils considèrent plus faibles qu'eux, ceux qui ne leur reviennent pas de droit dans les transactions, leurs rois leur prendront ce qui ne leur revient de droit en leur affligeant la dîme des impôts. La dîme, ce qu'on appelle mukus, et un solde, c'est-à-dire des taxes ou des impôts. Et à chaque fois qu'ils s'extirperont du faible, leurs rois leur extirperont avec force. À chaque fois qu'ils prendront des biens des faibles, alors leurs rois prendront d'eux, justement, à l'endroit, avec force. Leurs gouverneurs seront à l'image de leurs actes. Pardon, mes frères. Donc la sagesse divine, elle réside dans ceci, c'est que Allah, tabarak wa ta'ala, dans sa justice, ne nous donnera pas, comme gouverneur, des gens comme Abu Bakr ou Omar, tant qu'on sera comme ça. Tant qu'on sera loin dans notre religion, loin dans l'application des injonctions divines, des lois qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait descendre pour qu'elles soient appliquées et suivies, tant que l'on se complaira dans les passions, quelles qu'elles soient, alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'Allah nous donne des gouverneurs à l'image de nos pieux prédécesseurs. Et pour étayer ceci, écoutez bien, يقول وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار الكرون وأبغرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. Il dit, il ne fait point partie de la sagesse divine de placer à la tête des gens mauvais que des gens, que des hommes ou que des gouverneurs qui leur ressemblent. Dès lors que les premières générations constituaient les meilleurs des gens et les plus pieux, leurs gouverneurs étaient ainsi. Hein? Dès lors qu'ils prirent de l'âge, ça c'est une expression en arabe, ça veut dire, dès lors qu'ils prirent de l'âge, leurs gouverneurs prirent de l'âge avec eux, c'est-à-dire que leurs gouverneurs, ils les ont suivis dans le mal. Là. Et ça, on avait vu ça, mes frères, c'est que le prophète a vanté les trois premières générations de musulmans. Ensuite, la décadence, elle est le hilal, la décadence religieuse et morale, elle s'est accentuée dans la communauté. Au final, les gouverneurs furent à l'image de ces générations. Là. Jusqu'à voir les dégâts aujourd'hui. Il ne fait point partie de la sagesse d'Allah de mettre à notre tête et à notre époque des hommes comme Muawiyah, comme Omar ibn Abdel Aziz et à plus forte raison Abu Bakr ibn Omar. Abdel Malik ibn Marwan avait dit un jour Ma ansaftumuna ya ma'shar ghra'iyya. Ils ont dit Turiduna minna sirata Abi Bakr wa Omar wala tusiruna fina wala fi anfusikum bi siratihima. C'est-à-dire, Abdel Malik ibn Marwan a dit à son peuple Vous n'êtes pas à la hauteur par rapport à nous. Ils ont dit, vous vous comportez envers nous, ou alors vous voulez que l'on soit envers vous comme les gens étaient envers Abu Bakr ou Omar, alors que vous, vous n'êtes pas comme Abu Bakr et Omar. وَخِتَامًا إِنْ شَاءَ اللَّهِ بَلْ وُلَاتُنَا عَلَىٰ قَدْرِنَا وَوُلَاتُ مَنْ قَبْلَنَا عَلَىٰ قَدْرِهِمْ وَكُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مُوجِبُ الْحِكْمَةَ وَمُقْتَضَاهَا. Donc, cher Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah finit son propos en disant Mais nos gouverneurs sont à notre mesure et les gouverneurs des générations passées furent à leur mesure. Tout ceci relève de la sagesse d'Allah et de ce qu'elle implique dans la réalité. Hein? Vous avez compris, les frères? Donc cette première partie de ce long chapitre, il a été dans l'évocation des textes religieux qui sont muhkam, qui sont clairs en eux-mêmes, hein? Et qui plante le décor, dans le sens où, à travers ces textes-là qu'on a cités, on pourrait amplement se suffire pour pouvoir, inchallah, cheminer sur une clairvoyance et une science de notre Seigneur. Là. Voilà qui, mes frères, malgré ceci, malgré ces textes religieux qui sont clairs, des gens qui ont des buts divers viennent troubler viennent lancer des ambiguïtés sur ces principes-là et viennent injecter leur poison chez les musulmans. Comment ? Justement, en prenant ces textes-là et en les expliquant à leur façon, ou en les mettant dans un contexte qui n'est pas le leur. C'est pour cette raison que le chapitre est aussi long que ceci, car il y a tout un pan qui sera réservé à la réfutation sur ces ambiguïtés. Non ? Donc s'il n'y avait pas ces gens-là, alhamdulillah, ceci nous suffit, alhamdulillah. Voilà qui on trouvera toujours des gens qui viendront et qui nous diront, non, tu n'as pas compris ce hadith parle de ceci, regarde ce que dit un tel, regarde ce que dit un tel, etc., etc., etc., blablabla, blablabla. Bla, bla. Donc, alhamdulillah, déjà, on a les textes religieux, on en citera d'autres aussi, inshallah. On verra dans le cours de la semaine prochaine, comment les pieux prédécesseurs ont compris ces textes religieux et comment ils les ont appliqués face aux situations qu'ils ont vécues. Comment ils ont abordé, comment fut leur approche par rapport à ces troubles que eux aussi ils ont vécus. Notamment Sahaba. Ça sera l'objet du deuxième cours. Le troisième cours fera l'objet de, justement, la réfutation sur toutes les ambiguïtés qui planent à notre époque sur ces principes-là. Là, ambiguïté que propagent les takfiriyoun. Les takfiriyoun, ou alors ikhwan muslimin, ou alors qutbiyin, ou amal laffa laffahum, comment dire. Ou tous ceux qui les imitent. Non? Et qui recherchent le pouvoir avant tout. Non? وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.